fume, je dois de l'argent à l'huissier. Et franchement c'est pas drôle, la vie une série bête gogole. J'ai toujours les mêmes rôles, et c'est toujours les mêmes halls. Avec toujours les mêmes gueules, et c'est toujours les mêmes zones. Avec toujours les mêmes guns, puis toujours les mêmes jeunes. Laisse agir le poison, je lâche ces qui ma foison. MSD mon équipe, et pégane mon blason. Je rappe sur mesure, sur des sons faits maison. Pas à pas, petit à petit, et peu à peu. Pégane dans ton poste, t'as pour tous dans la merde. On a tout à gagner, et donc plus rien à perdre. Bienvenue chez les oufs, ma vie n'est pas un film. Les bâtards je les baisse tous après tout, fallait que je le dise. Pas de rectif, rectif, le style, hostile, scintille. J'ai mis la barre si haute qu'aujourd'hui tu peux plus suivre. Si le rap est un coup court, le 18 ans est l'école. Si le rap est la porte, le 18 ans est le code. Donc ça y est, on est là, vas-y maintenant tu fais quoi. Blâmez pas à l'enfer, sinon ça passera pas. Quand je prends le micro pour vous édailler. Cette OWS retour de flamme, on n'oublie pas les détails. Depuis le début, qu'une envie c'est de niquer le barème. En solo ou en équipe pour tous les crews qui nous parrainent. Dans tous les coins ça s'agit, tout ça tape le foot. Tous les coins ça sent le shit, c'est magique, tout ça s'ajoute. En bas de chez moi ça shoot, tous les sachets s'achètent. Un couteau c'est utile, pourtant y'a rien dans les assiettes. C'est pas une parodie, mais qu'on fait pas semblant des lames. Sur la carotide, sur le tapis c'est trop sanglant. Et quand tout ça s'encloche, quand ma rime tranche sur feuille blanche. Quand j'ouvre la bouche c'est pour des paroles franches. Quand ma toque sans sa planche devient incontrôlable. J'espère pas nous tester, moi et mon crew. De toute façon c'est improbable, quand les mots ragissent sur la conscience, les mots rugissent. C'est dans tes tympans, c'est l'hémorragie et les mots rageux. C'est OWS, toujours présent quand il s'agit de péter le score avec aise. Dati S, MSD on pèse, on représente et c'est pas pour rien qu'on pèse. On subsiste dans la pénombre, ça tape un son. Il faut que le rap démontre la part des nôtres. Engrassé par l'état d'esprit que l'état démontre. On se tape et monte en haut de cette pente. Je voulais dire on tente, on se contente du temps qu'on tend en tant que détente. Lancé sur les rails de l'enfer comme dans Speed, condensé, compensé dans nos spliffs. Tous les espoirs s'évaporent par les fentes. La Tramuros, d'Alcatraz ou bien de Paris Nord. Faut que je laisse ma trace, mais pas sur les matraques. CRSF, ta dite laisse traquer, laisse sa crasse. Les cordes de l'approche viennent tordre. J'arrive sans accord, Predator, y'a trop de flow pour rien de tort. MSD mon pote, c'est mon collectif. Chacun a son style, j'roule un stick quand mes collègues. Depuis longtemps, c'est les sales crasses qui ont inspiré mon clan. Scando et fort mon place, le rap a aspiré mon clan. C'est insolite, MSD est là, c'est la guerre qui se complique. Ce n'est pas à cause de ce qu'on dit qu'on fera attention à ce qu'on dit. Je prends de l'élan, balancé cercle, les mille éléments déchaînent dans le solo. Les MC qui me testent finissent par me dire mais vas-y mollo. Le crew toujours présent, normal le rap serait trop glauque sans ça. Une ambiance électrique comme dans la salle de bain de Claude François. C'est l'underground, il faut que t'achètes système, te plaît. Il faut que je t'achève en chant, donc change ton magic system, te plaît. C'est la folie, dès lors qu'on kick la stéréophonie. Ramène des rimes tout droit des grottes sans faire de la spéléologie. J'ai que ma logique de bandit, le style anti-justice. Je grandis couvert de bleu, cela sans aide de la police. C'est pour payer les os, schizophrène et daddy S. Daddy Chagoyen, on vient de là où y'a pas de pièce. Installez-vous messieurs, le périmètre des cieux est devenu dangereux. Y'a pas de morveux sans dieu, sans maître dans les lieux. Un ange m'a dit y'a pas que la thune en jeu. Sur la une, sur la deux, la qu'une des craintes en ceux à qui on souhaite le mieux. Ceux à qui importe, les expériences en faire d'envieux. Que le monde n'est pas d'indifférence et se sentent mieux. C'est ainsi qu'avec des si, nous créâmes des nuances qui donneront à nos récits une nouvelle importance. C'est ainsi que nous messi partirons dans la France pour mettre à nos merci les MC sans endurance. Rappelle-toi un ange m'a dit, mets tes scouts sous le sens. Mettre le feu sans essence, m'emporteront pas au paradis. Je vais finir blindé, je fais du peur abandon, pas pour faire la starac. Mais si tu perces en un des deux nos jours, mon frère, franchement staraf. Même si ta rep, t'auras tes refs pour faire ton intérim, tu trimes. Travaille tes rimes Nanterre, c'est mon terrain terrible, pas d'adversaire, personne s'en sort ici, je t'assure, faut pas te faire serre. Sonné par mes versets, ça mercenait que les neufs de mercenaires, je rentre dans le peurat, à l'aise, trop d'égo, je suis caisse, je m'en bats les couilles d'égo, je tape la bise aux meufs que je baisse, dis aux petits qui se la pète, que je mets des baffes, c'est l'MC aux 10 000 faces, tu veux mon place, demande à ta sec, retour de flamme, va des rétros, saccadé c'est trop, sec, dur, sexe, trame, vite, saccagé c'est trop, je veux des tasses de barge, des garces volages, je les crasse, écarte les cuisses, c'est large, y'a plus de barrage, j'explose mes pages de rage, quand je crie mon blast, dégage, une basse bien grasse, sois pas grave, je te crame ton chromi, à trace, à la voix grave, retour de flamme, c'est du sans compromis, mon art s'accorde. Tu clashes ta torche, manie les métaphores. Fâché, je peux t'étouffer, moi je suis le connard qui vient cramer ta forme. Déplace les masses, R2F, section bombe atomique. Bon, là je te nique, prends pas ton mic. Mytho, si t'es trop platonique, on m'a dit, faut que t'écrives, je te dis ce que je vois. Kilo de page, tant que kilo spa. Ici c'est prise d'otage, cannabis pilotage. C'est pour mes fortes têtes. Au culot de barge, tu piges, recule au pire, tu targes. Et t'analyses, tranquille, autre part, peut-être c'est le cobra. Quand ça déborde, on brûle ce putain de décor en place. Quand je braille, préviens les forces de l'ordre qu'on braque. Mon flow, c'est de l'or en plaque. Ça sent les meutes et regarde quand les cités s'unissent. On est quand même plus fort, on se déchire plus comme shit et suni. Donc écoute les phrases que j'assène, sors de la scène, fais pas ta victime. T'as le seum, même si ça saigne, moi je suis le pavé qui brise ta vitrine. La victime, c'est shit et racle et tu connais le jazz. Tu racles au cup, touche pas notre bise, sinon on te baisse. Faut rester fort, balèze comme un Renoir au Forestil. Je veux pas foirer ma vie, qu'elle soit pas drôle comme Florence Foresti. Quand je prends le micro, ça cogne, ma brutalité sans grange. Retour de flamme freestyle, c'est quoi de mentalité, sont dangereux. Ils veulent que se faire voir, mais allez, faut voir que faire en sorte d'être de droit. apprendre à se faire voir. Le que faire pour éviter les dorlises qui t'endorment, histoire que les portes ici se ferment. Sur cette sphère, c'est chacun sa poire, sa tronche, sa gueule. Mais l'égoïsme n'est pas l'espoir.